France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans le sud de l'océan Pacifique, à environ 6000 km à l'est de l'Australie, la Polynésie française est un ensemble de 5 archipels composés de 118 îles qui s'étend sur un territoire grand comme l'Europe. 5 archipels donc, celui des Tuamotu, des Gambiers, des Australes, des Marquises et enfin l'archipel de la Société, le plus peuplé de tous, qui comporte deux sous-ensembles, les îles du Vent, où se trouve Tahiti, et les îles sous le vent. En 1985, Marie-Hélène Fraissée proposait pour son magazine L'Échappée Belle une série de 2 reportages en Polynésie française. Après avoir dans le premier volet exploré la ville de Papeete à Tahiti, elle se rendait dans la seconde émission dans plusieurs des îles sous le vent, à commencer par la plus célèbre d'entre elles, Bora Bora. Parmi les personnages de ce documentaire, un médecin qui expliquait le rapport à la mort des habitants de l'île, un maire qui disait la nécessité de les préserver des dangers du tourisme, un homme qui expliquait la pêche aux cailloux, une institutrice qui parlait de l'enseignement du tahitien dans les écoles, ou encore un célèbre explorateur, Paul-Émile Victor, des raisons pour lesquelles il avait choisi de s'y installer. Tous disaient leur attachement à cette terre paradisiaque, qu'un romancier qualifiait pourtant, quant à lui, de « prison de rêve ». Bleu des mers du Sud, deuxième volet, Sous le vent, les îles, une émission réalisée par Annie Flavel et diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 décembre 1985. C'est actuellement 4h10 en heure locale à Tahiti. Je rappelle que vous devez soustraire 2 heures à vos montres par rapport à l'heure de Los Angeles ou 11 heures si vous venez de Paris. Nous atterrirons à 5h30 en heure locale dans 1h20. Tahiti, to te yete ratio e ratio teata frani no te mofenu a frani na teara RFU. Pacific, Paris Center, tout pour la maison, lip service du bricolage. Bleu des mers du Sud. Pura pura. Reiatea. Huahine. Mu'urea. Heiti. Un reportage en Polynésie par Jean-Pierre Gerbeau, Annie Flavel, Marie-Hélène Fraissé. Aujourd'hui, sous le vent, les îles. Le vent, c'est l'Alizé. Les îles s'appellent Waine, Raiatea, Bora Bora, tout un archipel, peut-être le plus beau du monde, qui s'égrène sur 300 km au nord de Tahiti. À peine débarqués à Tahiti après un jour entier de voyage dans la nuit, nous allons prendre un petit Fokker d'Air Polynésie. 35 minutes de vol dans le bleu. Je devrais dire les bleus, le bleu du ciel chargé de cumulus, car il y a presque toujours des nuages dans le ciel polynésien, bleu foncé du Pacifique, bleu pâle des lagons qui forment une auréole autour des îles. Le lagon, c'est cet anneau d'eau calme qui se situe entre l'île elle-même et le récif corallien qui fait barrage et sur lequel viennent se briser les vagues de la pleine mer. Bonjour et bienvenue. Nous allons décoller avec le commandant M. Barthes en direction de Bourra-Bourra. Veuillez attacher votre ceinture et ne pas fumer pour le décollage. Merci. Et de bon vent, de bon vent. Rêve à tout à temps. Et Bourra-Bourra. Amout à toi. Et yaha et poupouitoua. Bonjour. Welcome, ladies and gentlemen, with Captain Barthes and the crew. We shall take off from Bourra-Bourra. Would you please fasten your safety belt and... On commence à apercevoir devant l'île de Raiatea et l'île de Taha, qui ont la particularité d'être dans le même lagon. On s'en rendra compte tout à l'heure. Et on aperçoit derrière Taha, sous un petit nuage, le rocher de Bora Bora. Et un peu plus loin, tu vois Mopiti. Qui est la dernière île haute de l'archipel des îles Sous-le-Vent. Ce qui est étonnant, c'est que depuis notre arrivée, nous n'avons jamais vu un ciel sans nuages. Eh bien, vous avez de la chance parce que le beau temps en Polynésie, c'est toujours quelques nuages. Hein. Le ciel totalement dépourvu de nuages, c'est relativement rare et c'est particulièrement la saison sèche, c'est-à-dire l'hiver austral en juin, juillet, août. Disons que là, nous avons un temps de printemps qui est relativement correct. Si vous étiez venu la semaine dernière, on a eu déjà un petit aperçu de ce que sera la saison des pluies cette année. On a eu 3 jours de pluie torrentielle. En disant que c'est relativement exceptionnel pour la saison. Toutes les îles Sous-le-Vent sont des îles hautes, donc enfin la majorité des îles sont d'origine volcanique évidemment. Elles sont bordées d'un récif qui aux îles Sous-le-Vent entoure donc ceinture la totalité des îles avec quelques ouvertures qui sont les passes par lesquelles peut s'effectuer la pénétration en navigation maritime. Si vous avez l'occasion de voyager jusqu'au Tuamotu, vous ne verrez que la ceinture corallienne, c'est-à-dire le récif. Ce sont des atolls proprement dits. Il n'y a pas de partie terrestre au centre, mais des effondrements avec un lagon d'une trentaine de mètres de profondeur. Par contre, vous avez aux Marquises le contraire, c'est-à-dire les îles hautes, la partie rocheuse, montagneuse, sans les récifs coralliens. Et au Gambier, l'archipel des Gambiers, qui est l'archipel le plus oriental de la Polynésie, où vous avez moitié-moitié, c'est-à-dire partie terrestre et ceinture corallienne, mais n'entourant pas la totalité des îles. On a vraiment une variété de paysages et de compositions d'îles énormes. Alors vous avez sur les îles Sous-le-Vent, et d'ailleurs à proximité de Tahiti, 2 atolls proprement dits, enfin qui répondent à la définition de l'atoll, à savoir l'atoll de Tetiaroa que nous avons croisé tout à l'heure une dizaine de minutes après le décollage, qui appartient à Marlon Brando, et l'atoll de Tupei, qu'on aperçoit là-bas légèrement au nord-ouest de Bora Bora, et qui appartient à un notaire de la place. On voit là-bas en dessous les nuages. Et ces atolls sont équipés de pistes privées, comme une majorité d'atolls et d'îles en Polynésie. Et c'est une des particularités de la Polynésie française, c'est que nous avons, compte tenu de la nécessité de desservir ces îles qui sont assez peu peuplées, un nombre de terrains tout à fait phénoménal. Si on les compare au rapport densité de population par rapport à la surface. À Bora Bora, on atterrit sur l'un des îlots qui parsèment le lagon. Cela s'appelle un motu. Nous voilà donc arrivés aux abords de l'une des îles les plus rêvées, les plus décrites, les plus célébrées du monde. Et dans ces cas-là, on a toujours un peu peur. On se demande si la littérature et les dépliants touristiques n'en ont pas fait un petit peu trop. Et puis on a comme un sentiment d'irréalité. Il faut dire qu'on vient de l'autre bout du monde. On vient de l'hiver européen, de la grisaille parisienne. Et on a 11 heures de décalage horaire. On se retrouve donc comme ça, assis sur sa valise, attendant le bateau qui va vous emmener dans l'île principale qui se découpe au loin. Et on s'aperçoit qu'ils n'ont vraiment pas menti, les Bougainville, les Cook, les Stevenson. On se trouve vraiment devant le paysage le plus beau qu'on puisse voir. Et ce qu'il y a, je crois, de plus ahurissant, une fois encore, c'est le bleu turquoise, turquoise pâle, du lagon. Une eau absolument transparente où on voit passer à quelques mètres de la piste où on vient d'atterrir des bandes de poissons rayés avec de longues nageoires. Première rencontre à Bora Bora, celle d'un médecin français qui vit depuis 3 ans. Il s'appelle Paul Robert Thomas. Il a une quarantaine d'années et il est tout à fait conscient de vivre dans un lieu qui ressemble de très très près au paradis. Son île, il la connaît dans le moindre détail. Il faut dire qu'elle est petite, elle fait environ 6-7 kilomètres de long. Et c'est avec lui que nous avons commencé à la découvrir par la petite route de ceinture, parmi les hibiscus rouges et parmi les bouraos. Les bouraos, ce sont des arbres qui font des fleurs énormes, couleur jaune paille, des fleurs translucides et qui ont cette particularité de tomber tous les jours à la même heure, environ vers 5 heures du soir. Paul Robert Thomas. On se trouve dans la baie de Fanui, c'est-à-dire c'est le deuxième petit village de l'île, après Vaitape, qui est là notre capitale, si on peut parler, notre grand village. Nous avons là cette grande montagne qui s'appelle Otemanu, c'est la montagne de Bora Bora. Otemanu qui en tahitien veut dire le grand oiseau. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté de l'île, quand on regarde la montagne, ça ressemble un petit peu à un aigle qu'on voit sur les pièces de monnaie allemande. Une montagne très noire Très noire, basaltique. C'est le bord du cratère, puisque tout le lagon qu'on voit devant nous, c'est le centre du cratère du volcan de Bora Bora. Peu plus de 3000 habitants à Bora Bora, 2800 tahitiens et environ 300 métropolitains, les popa comme on dit là-bas. À quoi il faut ajouter les 400 touristes qui se renouvellent à peu près tous les jours. Car Bora est certainement l'un des hauts lieux du tourisme mondial, tourisme de super luxe certes, et à 90% américain. Car presque tout est apporté de Papeete et extrêmement cher, la nourriture comme le gîte. Cet essor de l'industrie touristique ne va pas, bien sûr, sans poser quelques problèmes à la population locale et à son maire que nous avons rencontré. Il s'appelle, ou plutôt il est surnommé, Toro. Il est un vrai Bora Bora et il s'interroge. Nous avons le souci dans l'avenir. À l'heure actuelle, ça commence à saturer un petit peu l'île par les constructions des hôtels. Et nous voulons, d'ici plus tard, limiter un peu des constructions d'hôtels. Bien sûr, à l'heure actuelle, il y a 400 à 500 touristes permanents sur l'île. Mais à l'heure actuelle, ça va, on peut accueillir. Mais d'ici peut-être dans 10 ans, il y aura beaucoup plus de touristes. Et pour ça, nous, en ce moment, on est en train de veiller un peu l'avenir des touristes dans l'île. C'est-à-dire de ne pas perdre aussi la façon d'accueillir entre eux-mêmes et d'accueillir les touristes. Parce que ça perd, on peut le dire, on perd un petit peu notre façon normale, c'est-à-dire d'accueillir les touristes, les étrangers plutôt. On dirait maintenant que, vu la masse qui arrive, donc on dirait que les touristes, ça devient plutôt des gens de l'île même, c'est-à-dire on fait plus attention. Et nous, nous voulons que garder l'accueil d'autrefois, c'est-à-dire d'accueillir les étrangers, et comme si on accueille avec de bon cœur, c'est-à-dire sans demander d'intérêt là-dessus. Ce qui inquiète Toro, donc le maire de Bora, c'est que à force d'accueillir des étrangers, bien les gens de l'île perdent le sens vrai de l'hospitalité, car il faut dire que les habitants des îles sous le vent, également de Tahiti, sont incroyablement hospitaliers, chaleureux et il faut le dire désintéressés. Il y a un détail révélateur à cet égard, il est impossible de laisser un pourboire sous peine de vexer. Alors, je crois qu'il n'y a pas dans le monde beaucoup de paradis touristiques où on se voit refuser ainsi un pourboire. Et déjà, le capitaine Cook, lors de son troisième voyage en 1776, s'émerveillait de ce trait de caractère des habitants des îles. Je le cite, « Ils ont eu à diverses reprises depuis 10 ans la visite d'Européens et cependant nous n'avons jamais pu surprendre le plus léger indice d'un effort pour tirer profit de ces relations, pas plus qu'ils ne nous ont depuis imité en quoi que ce soit. » Sens de l'accueil, donc sens de la fête, c'est ce dont témoigne Louis Picard, qui est aujourd'hui instituteur à la retraite et qui se souvient avec une certaine nostalgie de l'époque où le voyageur était rare et donc roi à Bora Bora. Le plus grand plaisir des gens ici, c'est de voir arriver la Royale, par exemple. Alors là, on préparait des fêtes, il y avait les danses, on faisait des grandes parties de pêche aux cailloux. La pêche aux cailloux, c'est une pêche que l'on faisait avec toute la population des 3 districts. C'est un cadeau qu'on offrait aux visiteurs. Alors, cette pêche, on la faisait gratuitement. C'était pas, on payait pas. Tout ce qu'ils demandaient, c'est de boire un coup de pinard le soir et avoir des festivités. En plus, on demandait des danses. Ils venaient avec leurs danseurs sur la place publique, la place du village. Juste derrière nous. Oui, alors là, vous avez les danses de 7 heures du soir jusqu'aux petites heures de la matinée. Mais enfin, la pêche aux cailloux, c'était vraiment le gros morceau, parce que c'était assez curieux de voir qu'avec des cailloux, on pouvait ramener une quantité de poissons. Alors sur l'îlot où se trouvent les femmes, les enfants, tous en fleurs, des couronnes, et ça crie, et ça chante, on a préparé une espèce de scène. Une scène en feuilles de cocotier tressées. Alors, lorsque les pêcheurs rappliquaient, toujours avec leurs cailloux lancés dans la mer, lorsqu'il y avait des poissons, alors les chefs de pêche, qui avaient des gaules, disaient aux pêcheurs, attention, ne touchez pas aux poissons. Parce qu'il y a toujours un petit peu comment dirais-je, des gens qui veulent prendre du poisson comme ça et le mettre dans leur pirogue. Alors là, c'était interdit. Alors, lorsque le poisson arrivait, alors l'honneur de piquer le poisson à coup d'harpon, c'était naturellement le commandant du bateau, le gouverneur ou l'homme qui est venu pour demander cette pêche. Alors, distribution du poisson pour tout le monde, les enfants, les femmes, tout le monde avait du poisson. Il y avait la part des fonctionnaires, les fonctionnaires, c'était les instituteurs. L'infirmière, les gendarmes. Et tout le reste était distribué. Alors le bateau, il avait sa part. Alors le soir, la marine, pour récompenser les pêcheurs, elle a amené quelques damjans de vin et puis on dansait. C'était la bamboula. Et c'était beau. C'était une sorte de battue de poisson, comme on dit pour la chasse. Oui, exactement. C'est une chasse. Mais à coup de pierres, je crois que les pierres en tombant, ça résonne tellement, hein, parce que c'était des masses de pierres assez lourdes. Hein. Il faut croire que, encore, à l'époque où je suis arrivé, c'était déjà encore des petites pierres. Mais j'en ai trouvé des pierres perdues par les anciens. Et quelque chose de 6 à 7 kilos. Hein. Alors, quand vous avez tapé 1000 fois dans la mer, il faut croire que j'avais des bras, les gars. Pendant 2-3 heures pour amener le poisson vers l'îlot où on doit le cerner. Ça Ils sont français depuis 1880, mais surtout protestants à cause du travail acharné des missionnaires anglais au cours du 19e siècle. Bien sûr, aujourd'hui, tous les enfants vont à l'école, même s'il y a encore quelques réticences contre la maternelle. L'école maternelle de Bora Bora, nous y avons fait une petite visite un mercredi matin, car là-bas, le jour de congé est toujours le jeudi. Pour eux, inscrire leurs enfants à 3 ans, c'est trop leur demander. Mais petit à petit, ils s'habituent à ce que des enfants jeunes soient scolarisés. Pour eux, inscrire les enfants, c'est à 5 ans. Ils sont trop jeunes pour les mamans thaïsiennes. Pour eux, un gosse de 3 ans, c'est rien faire et tout ça. Alors on leur dit qu'à l'école, on leur apprend tout ça. C'est ça pour eux, c'est garder les enfants à la maison. La classe se fait en thaïsien ? Les deux langues, puisque le thaïsien est maintenant langue officielle dans les écoles. Hein. Alors, dans les deux langues. Il y a d'ailleurs surtout des petits thaïsiens, là, à peu près sur tous les enfants qui sont dans cette cour de récréation, qui doivent être 150 à peu près. De thaïsiens. Il y a, moi j'ai vu à peu près trois petits blancs. Trois, j'en ai une dizaine quand même. De français ? De français, oui. Alors comment ça se passe pour eux ? Ils parlent le thaïsien ? Faudra bien. Parce que on a posé la question à notre chef. Il nous a dit il faut les prendre sur le même plan que les petits thaïsiens. Comme les petits thaïsiens apprennent le français, ben les petits français apprendront le thaïsien. Il n'y aura pas de différence. Bon, ils ont du mal, ça je comprends. Tout comme les petits thaïsiens qui ont du mal à parler le français. Alors, si vous voulez, ils arrivent... en section des petits, c'est-à-dire à 3 ans. Alors, les premiers mois de travail, ça sera tout en thaïsien, puisqu'ils arrivent, leur langue maternelle à la maison, c'est le thaïsien. Alors, tout est fait en thaïsien. Et puis après seulement, à force d'entendre peut-être, de discuter avec des enfants, et c'est comme ça qu'on peut commencer des activités vraiment en français. On va entrer dans une classe avec vous. D'accord. Voilà. Bonjour les enfants. Bonjour. Là, ici, c'est une classe de section des moyens de 4 ans. Et dans l'école, il y en a 3 comme ça, 3 classes de section des moyens. Et ici, je vois pas du tout de petits français. Alors la maîtresse a pris sa guitare. Oui. Elle s'assied. Apparemment, on va chanter. Asseyez-vous. Notre problème à nous, c'est le français. On leur apprend à lire en français ? Oui, en directement. Français. On ne leur apprend pas à lire en thaïsien ? Ah si, ils apprennent à lire en thaïsien dès leur jeune âge. Alors, il faut compter les écoles de dimanche, chez les protestants, je parle des protestants. Alors, ils apprennent, vous voyez la Bible, il y en a qui lisent, mais en thaïsien. Alors, leur problème quand ils arrivent à l'école, c'est le français, c'est ça. Le plus gros problème, c'est le français. Mais un enfant qui arrive au cours préparatoire, on commence à lui présenter la lecture en français ? En français. Ça paraît absurde. Ben oui, comme je vous dis, mais bon, il faut dire qu'en sortant de l'école maternelle, ils ont déjà une approche de l'écrit. Ils savent écrire leur prénom, tout ça, des objets qu'ils aiment et tout. Ils le savent, mais on ne va pas plus loin. Ça veut dire qu'au CP, ils cumulent les deux problèmes, le problème de l'apprentissage du français et le problème d'apprentissage voilà. De la lecture et de l'écriture. Lecture. Pas tellement de l'écriture, plutôt la lecture, hein. Oui. Ça veut dire que ça leur donne, par rapport à des petits métropolitains, assez rapidement du retard. Ah oui, beaucoup de retard par rapport à un métropolitain, oui. Alors, ils ont sorti des livres de lecture adaptés à la Polynésie. Et je crois même que ça va mieux. Mais ça fait à peine 2 ans. À Bora Bora, au cœur du Pacifique, au début de l'été austral, puisque nous nous trouvons début décembre, on est en train de préparer les fêtes de fin d'année, comme partout. Ça semble, il faut le dire, un peu incongru, peut-être, que des enfants qui sont nés dans des îles à l'autre bout du monde apprennent des chansons où il est question de la neige et du Père Noël, mais apparemment, ils étaient très heureux de préparer ces fêtes, et comme il n'y a pas de sapin, bien sûr, à Bora Bora, l'arbre qu'on avait décoré de boules et de guirlandes dans les classes, était un arbre local, c'est l'aïto, ou arbre de fer qu'on appelle ainsi à cause de la dureté particulière de son bois et qui est l'arbre de fête des Polynésiens. Petit Papa Noël ? Les îles heureuses, c'est peut-être un mythe, et pourtant, quand on est sur place, on se trouve vraiment confronté à des gens qui ont le sens du bonheur et qui l'ont conservé. C'est ce que confirme Paul Robert Thomas, que nous allons retrouver. Paul Robert est médecin, je le rappelle, il a son cabinet à Vaitape, le village principal et le port de Bora Bora. Il a une belle maison qui donne sur le lagon et à l'entrée de son cabinet, il y a une plaque en bois sur laquelle est gravé son nom avec écrit juste en dessous Taoté, ça veut dire médecin. Il exerce la médecine depuis 11 ans en Polynésie et il a convaincu son frère, Pierre-Jean, de le rejoindre. Son frère est dentiste, alors ça se dit Taoté Niho. Il partage donc le même cabinet qui fait corps avec la poste, une drôle de petite poste où la postière est la fille de Monsieur Picard qu'on a entendu tout à l'heure et elle nous donne comme ça les timbres postes sur lesquels il est écrit Polynésie française. Elle les donne en paréo avec une fleur d'herbe. Derrière l'oreille, on retrouve Paul Robert Thomas. C'est une médecine où il faut faire un petit peu tout, de l'accouchement à domicile, dans des conditions absolument épouvantables, jusqu'à la fracture. Bon, souvent, enfin, on a des rapatriements sanitaires, on peut envoyer les gens en avion sur Raiatea, ou si c'est plus grave, sur Tahiti. Bon, pour les examens très très compliqués, les scanners, les choses comme ça, on envoie en France ou en Nouvelle-Zélande. Et pourquoi êtes-vous venu ici ? Je veux dire, c'était l'image du paradis un peu qui vous a fait venir ici. C'était l'aspect, certains aspects de votre métier, ceux dont on vient de parler. Bah, c'est-à-dire, j'ai fait un tour du monde à la fin de mes études et puis j'ai voyagé pas mal, donc j'ai essayé d'exercer dans différents pays. Bah, arrivé ici, j'ai vu que c'était l'idéal. Hein. J'avais la Guadeloupe qui m'intéressait pas mal et puis non, ici c'est quand même mieux. Il y avait pas de problème racial, c'était beaucoup plus calme. Et puis c'est chouette, non ? Oui. Je veux dire que j'étais installé à Riquewihr avant. Bon, c'était pas mal, hein, Riquewihr, mais enfin, ça change. Comment vous définiriez le caractère des habitants? Est-il conforme à ce qu'en disait, par exemple, Gauguin ou ce qu'en disait Ségalène? Ils étaient tous émerveillés par l'aspect accueillant, extraordinairement heureux de vivre des gens. Ah oui, ça c'est fantastique. Ils ont un sens de la vie et un sens de l'amour tout à fait particulier. Et un sens de l'amitié, de l'accueil. Ils n'ont pas les mêmes concepts que nous. On pratique beaucoup le scooter ici. Hein. Oui, on pratique beaucoup le scooter. C'est bien, ça fait beaucoup de clientèle, c'est très instable. Et nos charmantes vaïnées se râpent souvent les genoux. Alors, ils ont des concepts un peu particuliers donc sur la vie et la mort, sur le temps qui passe. Ils n'ont pas du tout la même notion de nous, du temps. Et si bien que ça leur donne un caractère de non-urgence, de calme. Par exemple, dans la salle d'attente, pour eux, c'est agréable d'attendre. Ils laissent passer les gens devant eux. Ils passent 3 heures, 4 heures à attendre. Mais c'est une population très, très, très agréable. Je veux dire que pour un médecin, c'est le rêve. De soigner une population pareille, c'est le rêve. Les gens sont patients, toujours contents. Ils acceptent la maladie, la mort, le temps qui passe d'une façon absolument particulière. Beaucoup de calme, sérénité. J'ai eu plusieurs cas j'ai dépisté. Les cancers sont quand même assez rares en Polynésie, mais j'ai quand même dépisté quelques cas. Et j'ai donc prévenu qu'il fallait aller à Tahiti, voir en France. Je me suis trouvé face à une opposition complète des gens. Ils ne voulaient pas partir, ils restent là. Ils veulent ce qu'ils appellent mourir au Fénois. Le Fénois, c'est le pays. Ils ont envie de mourir là, au milieu de leur famille. Et tant pis si leur vie est écourtée de 10 ans ou 15 ans. C'est comme ça. Le mari vous dit, si ma femme meurt d'un cancer, moi je mourrai aussi plus tard. Maintenant ou après, c'est pareil. Très surprenant pour notre esprit, nous, européens. Et par rapport à la mort, il y a donc une forme d'acceptation de la mort des autres. Le deuil ici, d'abord, se porte en blanc. Et puis, il n'y a pas cette peine, ce chagrin. Si vous voulez, ce n'est pas, comme disait Brel, flânant de mort en mort. On ne passe pas son temps à parler des morts. On parle plutôt des vivants, des enfants qui naissent, qu'on s'échange. Dès que l'enfant est devenu plus grand, un peu plus adulte, on s'occupe déjà beaucoup moins de lui. C'est naturel. Je savais que Tahiti et les îles voisines nous fourniraient en abondance des noix de coco dont le lait excellent pourrait remplacer avantageusement les autres boissons. Je voulais donc en profiter pour obtenir de mes hommes, par la persuasion, de renoncer à la ration de boissons fortes qu'ils mêlent à l'eau. C'est ce qu'écrit Cook en 1776. Je ne sais pas si Cook a réussi à faire abandonner à son équipage le rhum au profit du lait ou de l'eau de coco, mais il faut dire un mot maintenant des cocotiers pendant que nous sommes à Bora Bora. Ces cocotiers qui couvrent toutes les petites îles coralliennes du lagon, les Motu. Voilà, nous sommes sur un des Motu en face de Bora Bora. Et juste au-dessus de nous, se trouve un cocotier qu'on est en train de dégarnir complètement de ses noix. C'est le bruit qu'on entend, les noix qui pèsent bien de 2-3 kilos chacune et qui tombent sur le sol. Comme la technique la plus simple qui consiste à monter pas très haut et agiter les feuilles pour faire tomber les noix n'a pas réussi. Alors il est monté... Tout à fait au-dessus du chapeau, du toupet du cocotier. Et le voilà qui redescend. Ça fait quand même une bonne quinzaine de mètres à descendre, le long d'un tronc où il n'y a pratiquement pas de prise, il y a, à part des petites striures sur lesquelles le pied n'a véritablement pas prise. Une très très grande habitude. Voilà, il est en train de descendre. Et il y a maintenant une bonne quarantaine de noix de coco qui sont tombées à terre d'un seul cocotier. Hey, come on, come on, come on, come on. Et c'est pas facile de monter un cocotier. Mais heureusement pour les Thaïsiens, c'est facile. Presque tous les Thaïsiens arrivent à monter le cocotier. La prochaine est maman. Alors là, on est en train de couper les noix de coco à la machette. Jusqu'à ce qu'on rencontre la poche de lait, ça gigue de partout. Il y a combien de lait à peu près dans une énorme noix de coco comme ça? Il y a 1 demi-litre, j'ai l'impression, au moins. Des fois, ça va aller à 2 litres. Et il y a des cocos qui peuvent atteindre 2,5 litres, hein. Mais pas tous les cocotiers. Comme ceci, c'est 1 demi-litre. On va goûter. Ça arrive souvent qu'on prenne une noix de coco sur la tête. Il y a beaucoup de Thaïsiens qui ont reçu des noix de coco sur la tête. Mais hein. il n'y a jamais eu de mort. Parce que la tête aussi, c'est assez dur aussi. Hein. Ça fait combien de... Là, il n'est pas très très haut, le cocotier sur lequel vous êtes monté. Ouais. Ça peut aller jusqu'à, je crois, 25 mètres. Hein. Même plus. Presque 40 mètres. Hein. Faire le Robinson dans un motu, c'est un rêve qui continue de hanter les Européens, un rêve de solitude, de pureté, un rêve de retour à l'essentiel. On en a parlé récemment dans l'Échappée Belle avec Paul et Daniel Zumbil qui sont partis un an dans un îlot des Tuamotu et pour eux, ça ne s'est pas très très bien passé, en particulier à cause des cyclones. Un rêve donc qu'il ne faut peut-être pas trop mesurer à la réalité, c'est en tout cas ce que pense aussi Jean-Marie Dallet, qui est romancier. Il est l'auteur de Tahiti Jim et de Paradis, Paradis. Jean-Marie Dallet vit à Moorea, l'île sœur de Tahiti. Dans un îlot, quelle que soit sa nature privilégiée, c'est aussi une cellule, c'est aussi une prison de rêve, une prison quand même, pour des êtres. Je veux dire, parce que la nature, elle est belle en soi, elle est bon, c'est nous qui apportons ce qu'on a à y porter, le malheur ou le bonheur. Un couple d'amoureux débarque sur un îlot, ils vont vivre, tel Paul et Virginie, 8 jours ou plusieurs, ou ça, je ne sais pas combien de temps vous évaluez le temps d'une passion, hein, ça dépend des individus. Bon, le temps d'une passion, ce sera le rêve. La passion diminue, le rêve commence à se ternir et très vite, ça devient 2 personnes dans un univers clos, c'est 8 clos. Bon, alors, et on oublie très vite le lagon, les cocotiers, etc., les gens s'auto-détruisent et bon, d'ailleurs c'est le sujet de mon dernier bouquin Paradis, Paradis, où il y a 4 vieillards en bout de parcours là, qui ont eu des vies très mouvementées et qui vivent là sur un atoll de rêve, hein, qui est posé sur une mer du sud, un atoll imaginaire, dans une mer imaginaire, mais enfin ça pourrait être ici dans les Tuamotu, et qui malgré la beauté, malgré la nature, malgré les oiseaux de mer, malgré le lagon, malgré tout ce vent qui travaille, vivent un enfer, parce que leur enfer, ils le portent en eux, et ils se détruisent, et ils n'ont aucune possibilité d'échapper à leur univers. Hein, ça, faut comprendre ça. Même actuellement, mais on faut prendre l'avion, c'est facile, etc. Mais l'île, c'est un univers clos. Hein, il faut pouvoir le supporter. Il y a des gens qui ne peuvent pas le supporter. Alors, il est porteur en soi de paradis et d'enfer, mais comme tout lieu. Oui, motoutané, motoutané, motoutané, bistouri appelle, motoutané, bistouri appelle, motoutané. Oui, Paul-Émile, j'ai une équipe de Paris qui voulait venir te voir demain matin, je pense. Est-ce que tu es d'accord pour les recevoir? Bah, évidemment, oui. Demain matin, vers quelle heure, à toi? Je sais pas, l'heure qui t'arrange. 9h, ça me paraît correct. Bon, ben d'accord. Alors, ils prendront un bateau au Yacht Club et puis ils se feront déposer au Motu demain matin vers 9h. Je vais peut-être les accompagner. Okay. Attends, je saute à l'eau avec l'angle. Avec la ville électrique. Bistouri, c'est Paul Robert, le médecin de Bora, et Paul-Émile, c'est Paul-Émile Victor, qui lui aussi joue les Robinson dans un des motus de Bora. Bonjour, princesse. Princesse, c'est la chienne. Voilà, nous avons pris la pirogue, ce qu'on appelle la pirogue, c'est une longue barque à moteur avec le traditionnel balancier polynésien, une sorte de bras qui stabilise le bateau sur le côté. Et sur le rivage nous attend Colette Victor, avec derrière elle son île. Voilà, elle appelle son époux, qu'elle appelle le boss, et qui se trouve quelque part dans l'île, sans doute en train de travailler. Et puis, quelques minutes après, on voit arriver Paul-Émile Victor dans son pareo. C'est une tenue un peu inattendue pour lui, mais tout de même un pareo sur lequel sont dessinés des pingouins, en souvenir de ses anciennes expéditions polaires. Voilà, donc Paul-Émile Victor, avec sa crinière blanche et son œil bleu sur son motu. Motu Tane, c'est le nom local. Tane, ça veut dire homme, et Vahine, ça veut dire la femme. Mais c'est aussi un dieu polynésien, Tane. Et Motu Tane, à l'origine, ça doit être quelque chose de ce genre-là. J'aurais voulu changer de nom, je lui aurais volontiers donné comme nom Motu Teva, parce que notre fils s'appelle Teva. C'est un vrai Tahitien aux cheveux blonds et aux yeux bleus, comme sa mère. Mais en définitive, tout le monde connaît Motu Tane. Alors nous sommes devant votre maison, votre faré, comme on dit ici, face au lagon. Il y a une petite île de l'autre côté, il y a un petit bras d'eau, Une famille, vous voyez, comme le naturel remonte, j'allais dire une famille esquimau, où il y a une famille tahitienne, une famille de Polynésiens qui habitent en face. Alors on est sous un auvent. C'est le living room, c'est-à-dire l'endroit où on vit. Or, c'est ça qu'il y a de merveilleux dans ce pays. Et c'est ouvert... trois côtés sur quatre, le quatrième côté étant le faré lui-même, la maison, où il y a la cuisine, où il y a des chambres, etc. Et on vit dehors. Et quand on se réveille le matin vers 5h30, 6h au lever du soleil, on est dehors. Et on se rend compte, et alors là de façon continue, journalière, de la chance extraordinaire que nous avons de vivre ici. Une chance que nous avons faite. Vous savez, la chance, ça se construit. Ça ne vient pas tout seul. La vie, elle se construit aussi. Il ne faut pas attendre que ça vous tombe dans les mains, sinon vous arrivez à la fin, ou à peu près, vous faites demi-tour, vous regardez derrière et vous apercevez que vous l'avez loupé, votre vie. Alors le choix d'ici, de ce motu dans le lagon de Bora Bora, ce n'est pas donc le fruit du hasard, parce que vous avez vu beaucoup d'endroits du monde, c'est celui-ci, cet endroit-là que vous avez choisi. Nous avons, entre Colette, ma femme et moi, et avant, elle seule et moi seule, nous nous sommes baladés pas mal à travers le monde. Et nous sommes des îlotes, ou des îliens. C'est-à-dire qu'elle de son côté, moi du mien, puis ensuite ensemble, qu'est-ce que nous avons cherché? Nous avons cherché les îles. Nous aimons l'eau. À Paris, nous vivions sur une péniche, sur la Seine. Nous ne pouvons pas vivre sans eau autour de nous. Premier point. Deuxième point, sur le plan personnel, toutes mes études, je les ai faites pour un jour faire ce qui est ma vocation, à savoir des expéditions polaires, car à 15 ans, c'est ce que je voulais faire, et la Polynésie, car à 15 ans, je voulais venir ici en Polynésie. D'ailleurs, mes études d'ethnologie sont terminées par une étude, une thèse sur les Polynésiens, et à ce moment-là, j'avais 21 ans. Donc je voulais venir ici, et je voulais aller dans les régions polaires. Si j'ai commencé par les régions polaires, heureusement d'ailleurs, parce que je n'y serais peut-être jamais allé si j'avais commencé ici, c'est parce que j'ai rencontré Charcot. Et puis, c'est donc la deuxième raison pour laquelle nous sommes venus, ou je suis venu ici d'abord. La troisième, c'est que quand nous étions d'accord, Colette et moi, ma femme et moi, que de toutes les îles que nous avions vues, c'était la Polynésie où c'était le plus agréable et le plus beau. Et la température la plus agréable, le climat le meilleur, les gens les plus sympathiques, souriants, accueillants, encore aujourd'hui. Alors, quand j'ai atterri ici la première fois, c'est-à-dire quand les premiers avions sont venus ici, qui ne venaient que tous les 15 jours, en 1958, j'ai atterri avec cet avion ici à Bora Bora, parce qu'il n'y avait pas d'aéroport à Papeete. Là, il y avait un terrain d'atterrissage construit par les Américains pendant la guerre. Et en atterrissant, j'ai écrit dans mon carnet « Nulle part ailleurs au monde ». Et puis, deux ans plus tard, avec un de mes amis polynésiens, nous avons fait le tour de l'île en pirogue à voile. Nous sommes arrêtés dans les divers îlots. Et je me suis rappelé que je m'étais arrêté beaucoup plus longuement ici, alors que ça n'avait rien de commun avec ce que vous voyez maintenant, parce que j'ai trouvé que c'était le plus bel îlot dans le lagon de Bora-Bora. Et puis, un an ou deux plus tard, il était à vendre, alors nous l'avons acheté. Et il n'y avait rien ? Vous avez construit la maison ? Oh non, il n'y a pas seulement pas la maison, il n'y avait rien. Si, c'était la jungle. C'est-à-dire que de la végétation presque impénétrable, qui montait à plus de 2 mètres de haut, plus les arbres, avec des milliards de moustiques. Bon, ben maintenant, comme vous le voyez, c'est plus la jungle. Et puis, il n'y a pas de moustiques. Oui, pas de moustiques, c'est vite dit. Heureusement, vous n'avez pas entendu toutes les claques que nous nous sommes données sur les jambes au cours de l'entretien. Alors, un mot tout, est-ce paradisiaque ? Peut-être. Mais en tout cas, on va voir que la vie quotidienne, ça ressemble plus souvent aux travaux d'Hercule, Colette Victor. La plage que vous voyez là, qui est absolument somptueuse, comme vous pouvez l'imaginer, elle était débordante de jungle jusqu'au bout de la plage. Il y avait des moustiques, des nonos, ce que l'on appelle les nonos, ce sont des plus petits que des moustiques, et c'est, ça pique horriblement. Et on ne se voyait pas à 3 mètres. Donc tout ça, c'est nous qui l'avons fait. Dès qu'on est arrivé, ça a été un travail qui n'a jamais cessé. Ça fait 8 ans qu'on est là et ça n'arrête pas. Mais enfin, je dois dire que maintenant, on en voit le bout. Et comme vous la voyez maintenant, ça paraît très... presque fini. Alors, la maison que vous voyez juste en face, au début, le toit qui est en forme de A servait de récupération d'eau de pluie. Hein, nous n'avions que cela pour nous laver, boire, etc. Et depuis 8 ans, je l'ai un peu transformé, étant donné que nous avons construit un vrai puits, de la nappe phréatique. Du moment qu'il y a de l'eau, c'est essentiel. Ensuite, pour l'électricité, nous avions au début des lampes à pétrole. Maintenant, nous avons un groupe qui marche assez bien. Mais il y a quand même tout l'extérieur, c'est-à-dire que tout doit être apporté à main d'homme, aussi bien l'essence que le mazout pour le groupe, que le pétrole, les provisions. Enfin, tout se fait par bateau. Évidemment par moi, et puis en bateau et en voiture. Donc, il y a donc tout ça, toutes ces manutentions qui sont très lourdes, et puis continuellement l'entretien qui doit se faire d'une manière continue du matin au soir, parce que vous ne pouvez rien laisser traîner, sinon les moustiques, ce sont des gîtes à moustiques, que ce soit des noix de coco qui traînent, que ce soit des palmes, que ce soit des mauvaises herbes qui poussent, etc. C'est une jungle à maintenir propre continuellement. Alors là, vous arrivez, vous pensez que, mon Dieu, quelle merveille, il y a des hamacs, c'est le farniente du matin au soir, la belle plage. Le rêve est là, mais la réalité est tout autre. Le rêve est là, mais il se mérite. Voilà, il se mérite vraiment, mais c'est un plaisir finalement. Pour moi, en tout cas, ça a été un plaisir jusqu'à maintenant, je crois que ça continuera longtemps. De maintenir tout ça rien que pour le plaisir, parce que rien que de voir cette plage, même si j'en profite moins, elle est là, elle existe, c'est très beau. Vous répartissez les tâches matériellement ? Non, c'est moi qui vais répondre, non. Depuis maintenant quelques années, je refuse de, sauf dans de très rares exceptions, je refuse de passer mon temps à autre chose que ce pourquoi je suis venu ici, à savoir écrire, dessiner, peindre, être disponible, lire, parler avec ma femme, et quand notre fils est là, que nous ayons le temps de nous en occuper. En réalité, c'est Colette qui fait tout le boulot. Il a au moins le mérite d'être honnête, Paul-Émile Victor, et on a tendance à se demander, dans ce cas précis, si le paradis d'un mari, ce n'est pas tout compte fait l'enfer de sa femme. Allez. Alors on va grimper par une sorte d'échelle. Oui, on va tourner à gauche d'abord. Ça, j'ai ajouté ça récemment. C'est pas mal comme espace. Hein. Il y a de l'espace. Ça fait 5 mètres de long sur 4 mètres de large. Ça fait même 20 mètres carrés. L'atelier du peintre, ouvert au vent, à l'Elysée. Ben oui, ouvert sur deux côtés. Car ici, on ne s'enferme pas. Et puis là-haut, c'est le bureau bordélique. Alors là, c'est périlleux. Bon, on arrive quand même à grimper. C'est une échelle. Voilà. Alors, surtout, ce que je voudrais vous montrer, c'est que quand je travaille là, voilà ce que je vois. Alors, on voit Bora Bora surmontée de sa montagne volcanique. Et quand je suis fiou, comme on dit dans le pays, c'est-à-dire que je commence à être un peu fatigué d'écrire, je lève les yeux et voilà ce que je vois, le merveilleux lagon Émeraude, la montagne au fond, qui est sans aucun doute une des montagnes les plus harmonieuses qui soit dans son équilibre de courbe et de volume. Et puis quand ça ne me suffit pas, eh ben, je vais me jeter à l'eau et je nage. J'ai une piscine de 2000 mètres de long et 200 mètres de large. Nous allons maintenant quitter Bora Bora sur un très joli petit paquebot de croisière qui parcourt les îles sous le vent, qui s'appelle le Tahiti Majestic Explorer, un bateau qui peut accueillir 75 passagers, qui est particulièrement adapté à la navigation dans les îles où le problème qui se pose est moins dû à la puissance des vagues du Pacifique qu'aux très réelles difficultés qu'il y a à éviter les masses de corail quand on franchit les récifs et qu'on mouille dans les lagons. Avec nous, à bord du Tahiti Majestic Explorer, Frédéric Credos, directeur de croisière. C'est le gros intérêt d'avoir un bateau de croisière de cette taille, il ne fait que 50 mètres de long, c'est qu'il a un très, très petit tirant d'eau et ça nous permet de passer dans des endroits où les gros paquebots ne pourraient pas passer. Nous avons d'autre part un détail très, très intéressant sur le bateau, c'est que l'on peut atterrir avec l'étrave sur des plages désertes et nous avons donc une passerelle qui permet aux passagers de descendre directement sur la plage. Donc cela évite les longues queues des bateaux pour aller à terre. Et on arrive vraiment à toucher des coins où absolument personne ne va. Et même les Tahitiens n'y vont qu'une fois par mois, peut-être pour faire du copra, pour ramasser des noix de coco. À bord du Tahiti Majestic Explorer, nous allons d'abord rejoindre Raiatea, la plus grande des îles sous le vent, qui a une particularité, elle possède la seule rivière qui soit navigable en bateau, la rivière Faroa, que nous avons montée en Zodiac, une rivière magnifique, bordée de ces fleurs de bourrao dont je vous parlais tout à l'heure, bordée de bananiers et de manguiers. La nuit, le bateau va mouiller dans la baie de cette rivière, la baie de Faroa. Et là, nous aurons la visite du groupe local de chanteurs et de danseurs, groupe qui s'appelle Tamare Uturoa. Alors, on pourrait croire qu'il s'agit uniquement d'une activité pour touristes, mais il faut signaler que les Tahitiens adorent danser, qu'ils dansent très souvent pour leur plaisir dès que l'occasion se présente. Leur fête porte un nom d'ailleurs qui surprendra peut-être un peu chez nous. On appelle ces fêtes les bringues. Alors, on continue de danser comme ça jusqu'au matin, le Upa Upa, la danse des couples, ou l'Opea, la danse des hommes. Quand on veut retrouver un peu les instruments d'ici, il y a surtout le prau, le tambour. on boit, qu'on creuse. En fait, il y a des proportions à respecter. Hein. Et puis la peau qu'on emploie au-dessus, la meilleure, c'est celle du requin. Parce qu'elle est fine, elle résonne bien et tout. Et ce qui est important, il me semble, c'est la langue qu'ils appellent. C'est-à-dire que sous la peau, il y a une espèce de caisse de résonance et il y a comme une langue. Et c'est elle qui donne le ton et tout. Et bien, il y a surtout le tambour et puis il y a d'autres instruments comme le toéré, c'est-à-dire des morceaux de bois avec creusés où on tape dessus, qui donnent un son très dur hein, et qu'on emploie beaucoup dans les groupes maintenant. Il y a d'autres instruments plus doux, comme le bambou, comme la flûte nasale, comme des coquillages qu'on gratte l'un sur l'autre, comme des noix de coco qui donnent un petit son métallique un petit peu. Il y a des graines qu'on assemble, qu'on tresse d'une certaine manière et qu'on fait remuer. Il y a beaucoup d'instruments faits avec le bambou, très très beaux. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a les pierres aussi, des pierres, des galets qu'on prend et qu'on frappe l'une contre l'autre et ça donne un certain son. Au fait, ce qu'il faut trouver, c'est la fonction de chaque instrument et comment il peut s'accorder avec les autres. Par exemple, les instruments qu'on emploie en ce moment dans les groupes professionnels de danse sont des instruments qui ont un son des fois très dur, qui écrasent les autres instruments. Et quand on apprend aux enfants, par exemple, la musique, et qu'on introduit la flûte nasale, les coquillages, les noix de coco, les bambous et tout, il faut apprendre presque à ceux qui tapent avec le toéré, hein, les bouts de bois creusés. Hein. Ils ont un grand effort à faire pour laisser la place aux autres aussi. C'est un instrument, quand il est mal employé, qui est dominateur. Alors, par là-dessus, sont venus se greffer des instruments qui étaient empruntés donc à d'autres, soit à d'autres cultures ou à la culture occidentale. Oui, et qui ont été bien adaptés. Vous savez, il y a un principe, comme disait un copain à moi, qui est celui de la perle. La perle, c'est un élément étranger qu'on enrobe et l'on sort une perle. C'est un grain de sable souvent que la nacre assimile tout et l'on sort une perle. Et c'est ce qu'il faut faire avec ce qui vient, d'ailleurs. Il faut savoir assimiler et ressortir en perle. Comme le ukulélé surtout, hein, la guitare, et puis l'accordéon et tout. Mais ici, les instruments de musique ont une fonction et correspondent bien à quelque chose de très précis. Je pense que c'est pareil pour tous les instruments de musique. Par exemple, le tambour correspond au cœur. Donc, il faut trouver la relation avec les autres instruments de musique. Et quand la relation est trouvée, la communication se fait mieux entre instruments de musique et entre musiciens aussi. Ora Après Raiatea, nous allons mettre le cap à l'est en direction de Wayne, une très belle île presque intacte dans l'archipel des îles sous le vent. Wayne, nous allons l'atteindre par une petite baie presque déserte avec juste quelques maisons, la baie de Ahapu. Et là, il y a une jeune femme blonde qui nous attend devant son 4x4. Elle s'appelle Elisabeth Marcelier. Elle est canadienne, biologiste, et elle a choisi de vivre là, dans un faré, au bord de l'eau. Elisabeth, elle aussi, est amoureuse de son île et elle emploie tout son temps à la défendre contre les gros appétits touristico-immobiliers. Wayne, c'est une île un peu magique. C'est une très belle île, très verte, très calme, dont la beauté mérite d'être conservée. Et lorsque je suis arrivée ici, j'ai été prise par son charme. Et on m'avait demandé de faire un projet de conservation pour une île de l'archipel des îles de la Société. Et j'ai proposé de travailler sur Wayne à cause de l'intérêt aussi très spécifique de l'île. C'est une île volcanique qui est entourée de récifs de coraux. Donc c'est une île avec des montagnes volcaniques. C'est une île en général humide, alors très recouverte de belles forêts très vertes. Et entouré d'un lagon bleu que cerne une barrière de corail. Depuis une dizaine d'années, et plus particulièrement depuis 2-3 ans, le tourisme connaît un grand développement ici. Et suite au développement du tourisme, on construit beaucoup. Et on construit en corail. Ça remplace le bitume dans bien des domaines, c'est-à-dire qu'on construit des routes en corail et on construit des maisons en corail. Quand on extrait le corail, on libère un grand nombre de particules très fines qui, entraînées par les courants, se posent sur les coraux vivants et les asphyxient. Donc les coraux meurent et très souvent s'installe une petite dinoflagellée qui donne une maladie qui s'appelle la ciguatera. Et cette dinoflagellée s'installe sur les algues qui s'installent sur les coraux morts. On va peut-être décrire, pour qu'on l'imagine bien, ce qui se passe entre l'endroit où nous nous trouvons, la terre, les cocotiers. On est sous un arbre, je ne sais pas ce que c'est un très bel arbre. C'est un bouraou. Et les vagues qui roulent au loin. D'ici, nous atteignons la plage de sable blanc. Et immédiatement après la plage, il y a le récif frangeant. C'est un endroit où il y a des grands blocs de coraux vivants, en partie morts, et où on trouve des milliers de petits poissons, très petits. C'est des nurseries à poissons. C'est là où les poissons adultes viennent se reproduire et viennent pondre leurs œufs, et c'est là où les alevins se développent. Donc c'est un récif qui a énormément d'importance dans l'économie, dans la productivité du lagon. Ensuite, il y a le chenal. Le chenal a une dizaine de mètres de profondeur, il est très bleu, et c'est là où circulent les bateaux. Et le chenal est en général assez large. Il peut atteindre 500 mètres de large. Et il est en anneau autour de l'île. Il est en anneau autour de l'île. Et alors, c'est un anneau plus ou moins irrégulier, ce qui fait d'ailleurs la beauté du lagon. Et ensuite, il y a un autre récif, qui est le récif barrière, qui, lui, est peu profond. À nouveau, on atteint les profondeurs de 1,50 m à 2 m. Et c'est là, à nouveau, un endroit où se reproduisent les poissons et où les petits poissons se développent. Et ensuite, il y a cette espèce de table de corail sur lesquelles les vagues se brisent et où on voit une belle écume blanche qui brille au soleil. Et après, il y a l'océan. Avec des milliers d'autres poissons, mais qui sont très différents des poissons du lagon. Ce sont des gros poissons, en général, les gros poissons que l'on mange ici, qui sont les carangues, les tasards, les maïmaï. À Wahine, comme partout ailleurs en Polynésie, on trouve le long de la route des sortes de plateformes de pierre, de corail, faites de grandes plaques juxtaposées et souvent noircies par le temps. À une extrémité de ces plateformes, il y a des pierres dressées où se faisaient les sacrifices, des sacrifices humains et puis aussi des sacrifices d'animaux, de cochons, de chiens ou de volailles. Ces architectures massives et un peu inquiétantes qui sont souvent construites face à la mer, ce sont les marae, les seuls vestiges de l'ancien culte maori. Ce qu'il se passait dans les marae, Ségalène le raconte dans les immémoriaux à travers l'histoire de son héros, Teri, le Erepu, le diseur, l'invocateur des dieux. Les marae sont des temples, et ce sont des temples à des dieux, élevés à des dieux, ou à des grands ancêtres qui protègent le groupe des Tahitiens qui vivent dans un secteur donné. Ça rappelle un petit peu l'agora grecque, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des activités religieuses, mais aussi des activités administratives. Et c'est un petit peu la préfecture de l'endroit, mais c'est aussi le palais de justice, c'est aussi l'église. Et toute la vie sociale se faisait autour des marais. Ils pêchaient, ils dansaient, ils célébraient leurs dieux et ils aimaient aussi glisser sur les vagues, particulièrement dans l'île de Wahine où il existe un certain type de vague très prisé par les surfeurs d'aujourd'hui, comme Laurent que nous avons rencontré qui vit à Faré, le port principal de Wahine. Je ne pense pas que ça soit exclusivement un sport californien ni hawaïen, c'est un sport polynésien à la base, hein, et les premiers surfeurs étaient des surfeurs maori. Hein. Quand on retourne dans les origines de la Polynésie française, on retrouve des planches de surf qui ont été découvertes dans les fonds, planches de surf qui étaient en bois. Et notamment sur Wahine, entre autres, il y a des passes qui ont été surfées à l'origine, comme la passe de Parea, qui est en face d'un marae, le marae Anini. Et à cet endroit-là, on retrouve des origines, disons, de surf sur de très grosses vagues. Il y avait des combats entre jeunes, disons, et ils surfaient ces grosses vagues. Ils avaient même le droit de se pousser pour avoir accès à la vague de l'autre. Et notamment, nous, maintenant, à l'heure actuelle, nous surfons des vagues qui sont très jolies, très belles vagues de récifs, dans les passes. Parce que la vague de récif se forme autour d'un récif qui contourne donc la passe, qui va en tournant. Et ça nous donne des vagues, notamment à Baliai, qui est donc un endroit de surf qui se trouve à Faré. Des vagues qui peuvent atteindre 250 mètres de long sur une hauteur de 3 mètres, 3 mètres 50. C'est une très très belle droite qui est considérée par certains Californiens justement comme une des plus belles droites du monde. Belle parce que disons qu'elle a une forme où le lip, au moment du take-off, le lip c'est la partie supérieure de la vague, au moment du take-off, voilà la lèvre, c'est ça. Elle projette très vite, très rapidement, ce qui fait que lorsque tu take-offs, c'est-à-dire l'instant où tu te lèves sur la planche, tu te lances, tu te lèves, ça se passe très rapidement. Et dès le départ de la vague, tu te retrouves à l'intérieur du tube, ce qu'on appelle le tube, c'est lorsque la lèvre recouvre totalement le surfeur. Et là, ça se passe en trois bols. Chaque bol, c'est une partie de la vague où il y a un tube qui est possible à faire. Et ça se passe très rapidement. On arrive très vite sur le dernier bol. Et le dernier bol, c'est le plus rapide. C'est celui où il y a très peu d'eau, justement. Il y a beaucoup de surfeurs qui arrivent des fois, quelquefois, en tombant, à toucher le récif, parce que vraiment, il y a très peu d'eau. Et je pense que cette vague est très rapide et, disons, très belle. C'est dû à la forme corallienne donc, du récif, qui est en pente douce au départ et qui va en s'approfondissant, ce qui donne de très jolies vagues. Alors, on n'a jamais calculé, je crois, la vitesse de déplacement d'un surfeur, mais ça peut atteindre des vitesses, je pense, de l'ordre de 60 km/h sur des grosses vagues, quoi. Hein. Et ce qui est intéressant, si tu veux, c'est les figures. Parce qu'il est évident que plus tu vas vite sur une vague, plus tu peux avoir à faire de très jolies figures, comme ce qui s'appelle le roller. Ça se pratique en haut de la vague, sur le lip, où tu fais un virage très serré avant de redescendre. Et tu peux faire de très jolis cutbacks, c'est-à-dire tu pars en bas de la vague, tu fais un grand virage et tu reviens face au tube. Et au dernier moment, tu fais un dernier petit virage pour te mettre dans le sens du tube. Et là, la vague te ferme et tu fais le tube, ce qui s'appelle le tube. C'est ce que recherchent la plupart des surfeurs parce que c'est quelque chose d'enthousiasmant, de vraiment... le fait d'être à l'intérieur du tube, de glisser, c'est quelque chose de très fort. Donc on va à toute vitesse à l'intérieur d'un tunnel d'eau. Voilà, c'est ça, à toute vitesse à l'intérieur d'un tunnel d'eau. Il est évident qu'il faut être bien placé pour ne pas ramasser cette masse de tonnes d'eau qui déferle, parce qu'il est évident que tu peux te permettre de toucher un peu, mais pas trop, quoi. Hein. Des fois, tu morfles, comme on dit. Alors la difficulté, j'imagine ici, c'est que quand on arrive, on se tape dans le récif corallien, ça doit être très dur à certains moments. Oui, alors quelquefois, il est évident, bon, on tombe, hein, ça arrive à tous les surfeurs, moi je tombe aussi assez souvent. Et bon, c'est une lutte, hein, parce que tu sais qu'il n'y a pas d'eau, alors il faut tout de suite remonter sur ta planche et ramer vers la vague qui vient. Parce que dans une, disons que lorsqu'on surfe, ça se passe par série de vagues. Alors il est possible que dans une période de 5 minutes, tu vas avoir une série de 6 vagues, tu vois, qui vont disons de 1,50 m à 3 m. Alors il ne faut pas prendre les premières, il faut prendre plutôt les dernières. Elles sont peut-être plus grosses, mais c'est moins dangereux. Parce que si tu tombes sur la première, tu ramasses la série, comme on dit. Alors il faut quand même une grande technique, hein, pour surfer les récifs, pour éviter justement de se blesser. Quand tu sais qu'il n'y a plus d'eau, pas mettre les mains, se faire le plus léger possible. Ça arrive que l'on voit aussi des requins au pic de surf. Mais bon, ils n'attaquent jamais les surfeurs. J'ai jamais entendu une histoire où un surfeur a été attaqué par un requin. Ici, on n'a jamais été embêté, mais on les voit. Ils sont là. Ils font partie de notre monde. Faye est un petit village qui est à côté d'une passe et qui a une petite rivière très spécifique où il y a de nombreuses anguilles de grande taille. Et ce sont des anguilles sacrées. Alors à ces anguilles, effectivement, on vient de le voir tout de suite, les gens du village viennent donner à manger. Ils ont expliqué qu'ils donnaient des restes de poissons, des choses comme ça. Pourquoi aiment-ils particulièrement ces anguilles ? Nous avons plutôt l'habitude de les manger, les anguilles. Ça a beaucoup choqué la dame quand je lui ai dit que nous, on les mangeait. Eh bien, les gens ne mangent pas les anguilles parce que c'est en relation avec le culte de la déesse de la Lune. La déesse de la Lune prend tour à tour des formes animales et l'une des formes privilégiées et préférentielles de la déesse de la Lune est celle d'une anguille. Mais aussi, les gens d'ici mangent énormément de poissons très différents et délicieux. Et finalement, les anguilles, elles les ont jamais tellement attirées. Les gens ne mangent pas en Polynésie les poissons des rivières. Ils se baignent dans les rivières, mais ils ne mangent pas leurs poissons. Sinon, les chevrettes. Les chevrettes qui sont vraiment délicieuses, qui sont des crevettes d'eau douce et délicieuses. C'est la fin bientôt de cette journée d'escale dans l'île de Wainé. Nous allons faire une dernière rencontre, celle de Suzanne, qui a environ 70 ans, que nous avons trouvée chez elle au moment où elle était en train de peler les mangues pour faire un chutney. Suzanne, entre autres choses, est alliée au dernier descendant de la famille royale de Wainé, ce qui d'ailleurs ne l'impressionne pas du tout. Chez les Tahitiens. On dit, par exemple, chez vous, les Français, enfin les Européens, on dit « mon mari ». Il y a des fois, les gens vous disent « mon mari », ils ne sont pas mariés. Je trouve que c'est mieux en tahitien quand on dit « c'est mon tanné ».« Mon tanné », c'est l'homme avec qui je vis. Vous voyez, quand on me demande, je dis « non, c'est mon tanné ». Alors, le père de Terry, là, c'est le dernier fils de la reine. Louvina, c'est votre fille ? Oui, c'est ma fille adoptive, je n'ai jamais eu d'enfant. J'ai élevé deux gosses, quoi. Hein. Alors, justement, mais à ce Terry, ils sont beaucoup, d'ailleurs. Et Teula, c'était le dernier bébé de la reine et elle est morte après. Vaguement, je me rappelle d'elle, on l'appelait maman Rihau. Elle s'appelait Rihau. Et alors, je me rappelle, je vois toujours une vieille dame, vous savez, comme elles sont les Tahitiennes, grosse, et puis ses robes mamarou qu'elles avaient. Mais elle était toujours en noir. Mais je devais avoir 5-6 ans, c'est tout. Hein. Et j'ai jamais su que c'était la famille royale. Il a fallu que j'aille en France et que je revienne pour qu'on s'occupe de la famille royale, parce qu'autrement, on n'en parlait pas. On savait qu'ils étaient la famille royale, mais ça ne portait aucune importance puisque on était sous protectorat français. La famille, elle est très souple ici. Oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans une famille, ils ont peut-être une dizaine d'enfants, ben ils vont quand même en adopter un. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez les Tahitiens, la plus grande preuve d'amitié ou d'amour que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est d'élever son enfant. Vous donnez votre enfant, parce qu'en enfant, ça se donne comme ça. Mais par exemple, moi, j'ai un enfant, puis nous sommes très amis. Vous savez, alors en échange, je vous donnerai votre enfant, et puis vous donnerez le vôtre. Ah, carrément? Ah, carrément. Et puis, il n'y a pas de question de machin. Maintenant, il faut payer quand vous faites élever un enfant. Dans le temps, non. Parce que voilà ce qui s'est passé. Mon père est arrivé ici, gendarme. Hein? Alors, naturellement, c'était un célibataire, un beau garçon. Français? Et alors, mes mères... Mais il était de France, votre père? Oui, les Bourguignons. De ce long, j'ai tiens, on fait les cocottes. Vous voyez, chez moi, il y a des cocottes sèches pleines. Mais ça vient de là. Et alors, il est venu ici en 1911. Et comme ça, il a connu ma mère. Et puis, ma foi, ben, je suis née. Alors, pour mes grands-parents, j'étais l'enfant du diable. Parce qu'après, naturellement, il ne voulait plus que ma mère retourne. Et alors, papa a demandé son changement. Il était à travaux. Il est parti. Elle est partie le rejoindre là-bas. Et puis, on m'a plaqué ici. C'est comme ça que c'est des fétis à nous. Hein, m'ont adopté, là, le Tahitien. Et sa femme m'ont élevé. Mais bon, c'est tout normal, oui. Il m'avait reconnu, comme on appelle ça. Reconnu, comme on dit. Hein, mais il a été, enfin... C'est l'instituteur qui faisait les papiers. Il m'a reconnu, il s'appelait Tuarihionon, c'est le nom de la famille royale. Et alors, quand j'ai eu 7 ans, mes parents sont revenus me chercher. Alors, ils sont venus, il a voulu me reprendre. Mais il a fallu faire un jugement pour qu'il puisse me reconnaître et épouser ma mère. Alors, je me rappelle, quand ils sont mariés, j'avais 7 ans. Alors, nous, tous les gosses, on était là à l'église pour regarder ce mariage. Enfin, c'est rigolo quand on pense à ça. Alors, ils tuaient des cochons, on préparait un grand tamara. Nous, tous les gosses étaient là aussi. Hein? Alors, on faisait, oh, vous savez, le tamara, c'était d'ici à la maison là. Hein? Qu'est-ce que c'est un tamara? Un festin, voilà. C'est plutôt une bringue, on dit bringue avec, enfin, à bouffer, comme on dit. Alors, la table, il n'y a pas de table, vous savez, ils piquaient des feuilles de ourou, là, ou alors des feuilles de bananier qu'on mettait par terre jusque-là. Et puis alors, les assiettes, enfin, comme assiettes, on avait plutôt des bols. Hein? Et alors, on mettait le ma'a. Il faisait cuire, par exemple, un croc, hein, ou deux hima'a. Alors, tout ce qu'il fallait, les cochons, le poisson, ils avaient déjà tout préparé. Et alors, à 11h, on ouvrait tout ça. On nous faisait manger, nous, les gosses. La boisson était prête, les femmes couronnées, tout ça, et puis ils commençaient un peu à boire. Alors là, on se mettait à table et la boisson allait. Alors, nous, les gosses, on mangeait, puis on allait jouer. Et alors, les grandes personnes, eh bien, ils continuaient à manger, à boire, et puis ça se saoulait et ça chantait. De la vallée, on entendait jusqu'ici. Alors, c'est bien simple, je m'appelle le chef, parce que c'est défendu de faire du pihamani, c'est-à-dire j'ai jamais compris, l'alcool des Tahitiens est beaucoup moins nocif que tout ce qu'on nous vend dans le commerce. Et aujourd'hui, c'est défendu. Oui, c'est défendu, alors on le fait en cachette. Bon. C'est vrai, les gens ne peuvent pas se payer du whisky, de machin comme ça, c'est trop cher. Et bien, chaque jour de l'an, on fait du pihamani, moi j'en bois aussi quand les gens font. Alors, le pihamani, c'est à base d'orange fermentée. D'orange ou n'importe quel fruit, alors ils mettent... Je crois que c'est du malt, hein, mais comme on fait de la bière. Et puis du sucre, alors il faut laisser fermenter. J'ai vu une fois mes travailleurs, ils ont fait là, dans la petite maison. Là, hein, et alors, je ne me rappelle plus combien, si c'est 2 semaines, 15 jours ou un mois qu'on doit laisser fermenter, vous savez. Alors ça devient un peu aigre. Moi, j'aime plus à ce moment-là, j'aime quand il est frais. Alors, naturellement, le gendarme et le chef, ils venaient, ils savaient très bien qu'il y avait une grande beuverie, parce qu'il n'y avait plus personne en ville. Alors, ils venaient. Alors, naturellement, nous, les gosses, on jouait là, puis alors, c'était nous qui devions surveiller quand on voyait, parce que c'était défendu, on leur foutait des PV. Alors, nous, les gosses, on jouait, puis alors, on surveillait que le gendarme. Alors, dès que le gendarme apparaissait, on se mettait à crier, et voilà, Moutoufrani. Gendarme, ça dit Moutoufrani, c'est le gendarme, quoi. Hein. Et avec le chef. Alors, naturellement, le gendarme, il ne nous connaissait pas, mais le chef, il savait. Il regardait simplement les gosses. Il disait, tiens, il y a ma fille, il y a mon gendre, il y a ma fille, il y a voilà. Tous les gosses qui étaient là, ben, ils prenaient les noms, ils savaient que les parents étaient là. Alors, le lundi après, ils étaient obligés d'aller à la gendarmerie pour payer leur amende. S'ils n'avaient pas d'argent, ils faisaient 3 ou 4 jours la route. Parce qu'on ne mettait pas en prison. C'est comme ça qu'on a fait les routes ici, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que ces oiseaux qu'on entend en ce moment? Ce sont des merles, ce qu'on appelle les merles des Moluques. Voilà, des oiseaux qui ont été importés, je crois que ça vient des Moluques par là. Ce sont des oiseaux qui ont été importés pour les guêpes, pour tuer les guêpes. Parce qu'ici, on est envahi de guêpes. Enfin, il y en a moins maintenant. Et alors, eh ben, ils sont habitués, c'est devenu beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est ça, tous les soirs, on les entend chanter. Et le matin, à 6 heures aussi. Alors, naturellement, on a envoyé ça pour manger les guêpes, mais alors, ils mangent les fruits. Des îles dans l'archipel de la Société, il y en a d'autres, bien sûr, on ne peut pas toutes les voir en un seul voyage, et il y a en particulier celle qui s'appelle les îles du vent, et non plus sous le vent. C'est Moréa, c'est Tahiti, que nous avons parcouru au cours d'une échappée belle précédente. Et puis, il y en a une autre, une un peu oubliée, c'est celle de Marlon Brando, car Marlon Brando est son propriétaire. Elle se trouve tout près de Tahiti. Cette île, Alain Hervé, je rappelle que vous êtes romancier, journaliste et navigateur, cette île, vous l'avez visitée cet été, elle s'appelle Tetiaroa. Ça faisait des années et des années que j'avais envie de voir Tetiaroa, d'abord parce que c'était l'île qui avait été choisie parmi toutes par Marlon Brando lorsqu'il était venu tourner les mutinés de la Bounty. Et il avait été ébloui par la Polynésie et il avait acheté pas moins que tout un atoll, c'est-à-dire une douzaine d'îles basses de quelques mètres au maximum au-dessus de l'eau. Et il a vécu là, il s'est marié avec une Tahitienne qui était d'ailleurs la vedette féminine du film, qui s'appelait Tarita. Ils ont eu un enfant. Et pendant des années et des années, Brando est revenu très régulièrement vivre sur cette île où il a entretenu un certain nombre de fantasmes, où il a tâché de donner corps à un certain nombre de fantasmes, dont une sorte d'hôtel qui a été ravagé par le cyclone en 82. Une grande partie des installations de l'île est partie avec le vent, a été... toutes les toitures ont été arrachées, certaines maisons même sont parties d'un seul coup dans la mer. Mais au moment où j'étais à Tahiti, il y a quelques mois, on rouvrait l'hôtel et je me suis précipité. Alors on monte dans un tout petit avion à Tahiti et on a quelques dizaines de minutes de vol et on commence à voir l'atoll qui est en fait le seul atoll des îles sous le vent ou des îles au vent, enfin de l'archipel de la Société. Si on n'a pas le temps d'aller au Tuamotu, on peut avoir une idée de ce qu'est un atoll en allant là-bas. Qu'est-ce qui a pu l'attirer, lui, particulièrement? C'est la beauté du paysage? C'est une sorte de réduction prodigieusement belle d'un atoll. C'est-à-dire qu'on y voit les récifs coralliens, on y voit les toutes petites îles et on y voit une faune qui est assez intacte. Paul-Émile Victor parlait de la jungle qu'il y a sur les atolls, qui n'est pas une vraie jungle, c'est une espèce de broussaille très dense. Parce que lorsque ce n'est pas... Il disait 2 mètres de haut, ça m'a paru quand même beaucoup. Oui, ça peut monter à 2 mètres de haut. C'est une espèce de roncier qui pousse sur toutes les noix de coco qui tombent et qui pourrissent, sur les palmes qui pourrissent. C'est assez impressionnant comme sous-bois quand c'est complètement abandonné. Et entre autres, à Tetiaroa, on y découvre un animal tout à fait extraordinaire qui est le crabe de cocotier, qui est un crabe terrestre. Oui, qu'on trouve dans toutes les îles. Hein. Non, ce n'est pas le crabe de terre, c'est différent. Le crabe de cocotier est un animal en voie de disparition, qui est gros comme une très grosse noix de coco, ou comme un gros ballon de football, et qui a des couleurs absolument extraordinaires. C'est presque un perroquet. Il y a du bleu vif, du rouge vif, du jaune vif, et c'est un crabe qui monte au cocotier et qui cueille les noix de coco. C'est à cause de lui qu'on met des bagues autour des cocotiers pour, c'est surtout pour les rats, parce que maintenant, oui. le crabe de cocotier ne représente plus vraiment un danger pour les cocotiers. C'est lui qui est très recherché pour la saveur de sa chair, qui, paraît-il, est exceptionnelle. Alors, on en voit encore sur Tetiaroa. Faut dire que partout, il y a ces petits crabes de terre. Ça fait des trous à des distances d'environ 50 cm et ça rampe dès qu'on marche sous les cocotiers. Il y a comme ça toute une troupe de crabes qui s'enfuient devant vous et qui rentrent dans les trous. C'est très bon à manger aussi. Ça se pêche le soir avec une lampe de poche. On les éblouit, on les ramasse et ça, on les farcit comme aux Antilles. Ça fait un plat excellent. Mais alors, l'île de Marlon Brando maintenant est devenue un peu l'île de la Belle au Bois Dormant parce que à part le réveil de ce tout petit hôtel qui est dirigé par un Américain très sympathique qui s'appelle Monsieur Carlos, qui vient vous chercher au bout de la piste sablonneuse. La piste fait la plus grande longueur de l'île. On arrive là et puis on est au bord de l'océan. On est au bord des vagues, dans des très belles cases qui ont été dessinées par Marlon Brando. Les lavabos sont faits dans d'immenses coquilles de bénitier. Et on est en pleine nature. Te maua la ite pira maia, te pira maia, me tane, te are maia, te tau, maru e toa, weia, te tata, fa maia.